Remarque numéro 10, chapitre 14, interférence. Interférence. Sur le concept, tu as l'interférence. Avec une définition, c'est aller définir l'interférence. Mais le premier chose, c'est l'interférence, il y a distance. Il y a distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Il y a une figure d'interférence. Nous, les franges d'interférence sont équidistantes. Il y a une frange brillante par une frange sombre, frange sombre par une frange brillante par une frange sombre. Il y a une frange brillante par une frange brillante par une frange brillante. Le massif est bien étant, c'est ma interférence. Quand même deux franges obscures par une frange, c'est ma massif est interférence. Il y a une frange. La distance qui sépare deux franges brillantes consécutives, c'est la même distance qui sépare deux franges obscures consécutives. Cette distance, notre alaya ism, interfrange. Imita, je vais vous dire, imita, sur l'expression de l'interfrange, le I égale lambda D sur A, lambda longueur d'onde, ou D distance, ben le dispositif de Young, distance, ben l'écran de défense, l'écran d'interférence, ou A est la distance, ben le F1 ou le F2. Distance ben, même source F1 et F2. Comment vérifier cette formule I égale lambda D sur A? Bikul basata, nous allons la frange brillante, mais même si nous avons une brillante, bikul I égale xk plus 1 moins xk. Nous sommes la formule de xk, de la frange brillante, qui est lambda D sur A, ou nous sommes la I, de la lambda D sur A. Ou nous avons une frange sombre, mais une frange sombre, من لو x k plus 1 moins x k كمان نفس الشيء بس نحط x k لمين ل 2 k plus 1 لندا دي سر ذاتها بتاعت الفرنج الفرنج سومب كمان حنوصل لنتيجه ذاتها انه الانتر فرنج لندا دي سر اذا ريزومي اللي بيهمني بالموضوع هلا انه ديفينيسيون الانتر فرنج هي سي لا ديستونس كي سيبار دو فرنج كونسيكوتيف دو ميم ناتور شو الاكسبريسيون الانتر فرنج اللي هي اي ايجال لندا دي سر ا